Le roseau chantant, de contes, récits et scènes en vers, par Gustave Nadeau. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Linda Olsen-Fitak, Los Angeles. Le roseau chantant, au président Benoît Champy. Il était à Florence un vieux musicien, un des derniers débris de l'art italien, un chanteur. En ce temps, il s'en trouvait encore. On l'appelait Pietro. L'autre nom, je l'ignore. Il était sans parents, mais non pas sans appui. Sa fille Nitidia vivait seule avec lui. Une charmante enfant, un poétique rêve. Son espoir, pour tout dire en un mot, son élève. Jamais on n'entendit sortir un son plus beau d'une bouche de femme ou d'un gosier d'oiseau. J'ai dit qu'il était vieux. J'ai tort. Mais c'est l'usage que les musiciens vieillissent avant l'âge. Ce n'est pas tout encore, il faut le dire ici. Le bonhomme était fou, cela se voit aussi. Mais fou sans passion, sans colère, sans lutte, une démence douce, il fabriquait des flûtes. Il avait un jardin tout près de sa maison, jardin sans fleurs ni fruits, mais en toute saison, d'innombrables roseaux y poussaient par prodige. Tous les jours, le bonhomme en coupait une tige. Il y perçait six trous et soufflait. À l'instant, s'élevait dans les airs un chant pur, éclatant, simple, puis parsemé de trilles, de roulades qui montaient en spirale ou tombaient en cascade. Et le pauvre Pietro, tout ému, s'arrêtait, tenant entre ses doigts le roseau qui chantait. Sa fille était présente. Elle faisait le reste. Elle prenait sa mante et partait d'un pied leste, sous prétexte de vendre au luthier florentin le naïf instrument éclos tous les matins. Elle restait longtemps à courir par la ville, mais le soir arrivé, la voyageuse habile apportait haletante au logis éloigné tout l'argent que Pietro croyait avoir gagné. Un soir, elle rentra plus tard que d'habitude. On était en automne, et l'automne était rude. La nuit allait venir, le temps était affreux. Les luthiers, ce jour-là, n'étaient pas généreux. Elle rentre pourtant. Heureuse, elle s'élance. « Mon père, me voici! Me voici !» Quel silence! Dormez-vous? En effet, il dormait d'un sommeil dont la pieuse enfant ne vit pas le réveil. La cause de sa mort pouvait rester cachée. On a su seulement que, la tête penchée, il regardait encore, écrasé à moitié, la tige d'un roseau qu'il tenait sous son pied. On croit que ce jour-là, sa fille étant absente, le pauvre fou se mit à son œuvre innocente, et que le rameau vert, pour la première fois, avait dû demeurer muet entre ses doigts. Or, il existait à Florence une fille à la douce voix qui gagnait son humble existence à chanter les airs d'autrefois. Que pourrais-je ajouter encore? Vous avez deviné déjà que l'âme du roseau sonore était la voix de Nitidia. Fin de Le roseau chantant.